ce que ça prend, c'est la gaieta primo. Elle est Noco Chapo, El Capitano et Noco. Les achats de narco, la mitraillette auto. Pacino, El Caporal Commando. Les gros couteaux Rambo, El Siciliano. Jean-Paul Belmondo et non. Chargeur 17 Glock, Kabajiji, Aïe Finzer, Alka Tori Savage. Ces négros pensent qu'on roupie, se font cribler. Tu vois le bout du canon, pas ma Rolex. La valise de cocaïne a changé de drapeau. On sort les AK par terre que du sirop de fraise. J'encule les lois, pourtant j'suis dans un port étranger. J'suis dans le milieu comme Laurent Fioconi. Que des voyous dans le Vela ou qui sortent du mitard. Que des gros sous, que des grands hommes sous la cagoule autour de la table. L'héro est marron comme des Ferrero Rocher. La coco est brillante comme des Raffaello. Contrebande, touché à bout portant. Ça arrive à bon port, savoir contre-attaquer. Savoir qu'une guerre c'est des pesos. C'est l'imam Zarqawi ou l'empereur Al Capote. Défoncé à la weed, j'ai des liasses sous le matelas propre. J'ai un gros sac de drogue, j'squatte pas la salle de sport. Mon équipe braque le coffre, pourquoi tu parles fort? J'mérite la palme d'or, que Dieu me pardonne, je dois me racheter. Avec ces vendeurs de poudre qui te fournissent que de la rareté. Al Capote au mic, ma belle, je réponds toujours quand la maille m'appelle. Les putes et les Kaira même, et puis je change de forme comme Vibes Cartel. Chaque fois je mitraille la semaine, pendant que ce tox se taille la veine. Je fais plus rien gratuitement, à moins que ça en vaille la peine. J'suis sur Aïe fines herbes, toi tu fais des vertiges sur l'allée. Hermès et Mercedes, je collectionne les vestiges du passé. Commence des guerres comme fils et père Bush. Guerre. Avant les injections, t'avais une belle bouche. Dommage. Des gaines louches. Des gaines louches. Ça panique en face, ça appuie sur n'importe quelle touche. Je veux voir le comptable, bonjour. Il est content. Je lui ramène des belles souches. Chez moi ça sent la peinture neuve, je viens de mettre la deuxième couche. La conce bien emballée dans un gel douche. Direction le sud, la fiesta, pasta à la putanesca. Ou pizza 4 saisons, sur la plage de nuit. Récupère la cargaison, reviens à BX plus vite que l'hiver. Toi tu racontes tout après un demi-verre. Ça tire de tous les côtés, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je ressors de la tour de Babel, y'a les plugs et le four de la tesse. Trouve-moi dans les profondeurs, je veux aller là où les autres ont peur. Des litres et des kilogrammes, on s'arrache avant que ça vire au drame. Sévèche, c'est la flamme et le pyromane. Tu veux pas qu'on finisse par en venir aux armes? Dieu merci l'enquête patauge, et je promotionne sans cesse la cause. J'empeste la dope, je suis haut comme si je suis sur un escabeau. Je me déplace jamais pour toi, je t'envoie une trentaine d'ados. On arrive en mafioso, on arrive en gestapo. Tu me vois jamais faire de tech, tu me vois jamais faire de rave. Mal maison sur le nez comme un Weather ou le père de Dre. J'arrive à la villa avec Atoche, dégustation de frappe avec Atef. Kava, Gigi, Roi et Noc sur la toffe. Tu nous as jamais vu à terre. D'argent rapide, je te parle pas de Quicksilver. Ce fucking agent raciste, bah j'allume la weed s'il meurt. Le paquet va arriver, surveille qu'il y ait pas de garde-côte. Le plug s'est trompé, il m'a mis un kilogramme de coke. Pas grave, j'appelle un ref, il me liquide ça. Sans passeport ni visa, elle finit dans toutes les narines à Ibiza. C'est le film de ma vie, Belek, j'espère que t'es vraiment majeur. Piscine de billets, pétasse, tu sais que je suis un bon nageur. Trop grave quand je corrige ça. Trop grave ma gueule. Ta bitch la moustachue, quoi, pourrait faire partie des orichas. Ouais. Quand je te dis t'inquiète, il faut s'inquiéter. Tous les flingues parlent de moi, normal, je parle comme un AK. Chiche blood et kmeet ou t'ajmani ma rwapa. Wacherni t'amashi business of Europa. Salarab ou rap amer, un des contacts f'paler. Moukit le galib kazab khalis ou kimchi f'par comme cabo negro. Shintok arbouche bab ton negro f'la bouche de khan sac à dos LV cartouche. Ho, Bogota. Faut que t'appelles le toast, faut que groupie de la linéa. Faut que m'occupe de salaire de l'OCP, c'est de l'argent libre kilogramme. Ça fume pas de CBD, armé jusqu'au dents, zéro drame. Pinoc m'appelle, me dit faut les taper. Envoie la loc et dis-moi seulement Kamal, hop c'est sapé. 1, 2, 3, prix feu parti 6, 9, 3 sur le tarpé. J'vis les merdes que tu vois sur les dos que Arte. Après la mort plus rien me retient. Le cash est sale, tu sais que j'ferai jamais journée d'entretien, chip des packs. La peuf détient que des facts. J'allume, j'éteins. Y'en a qui pleurent lors des décès, et y'en a d'autres qui les fêtent, hein. Salope, juste donne-moi le dos. Ici c'est le rap, je suis pas le pro. Mais dans la rue, demande pour nous. On tue des gens, on le fait en gros. J'ai des jeunes toujours présents. Mon frère, je n'ai plus rien pour toi. À part des cartouches comme présent. Je veux ta salope comme trésor. Je veux ta fortune comme trophée. Mais je crois plus en l'humain. Depuis qu'ils imagent le prophète. Depuis que les hommes deviennent des putes. Depuis que je peux plus en parler. Depuis que la musique c'est ma vie. Depuis que je peux plus même tarder. Si t'as un chlass, aiguise-le. Un 45 maîtrise-le. Si ce connard fait le dingo, sors un des deux et vise-le. Si t'es un petit haineux, si t'es un tirage au sort, fais pas le tyrannosaure. On a perdu au tirage au sort. On a tous perdu au tirage au sort. On a perdu au grand jeu. Je viens de là où la chance. S.O.I.C.O. chanceux. Olnesu, c'est comme Grigny, c'est comme Vrance. Gros, on appelle pas les pompiers si le comico prend feu. Pour finir sur des transats, on fait du son comme on fait des transacs. On évite les grands axes, je suis toujours à fond. Quand je suis l'invité de Jean Jass, quand je suis l'invité d'Arthur. La saison 5 c'est de la pure. J'arrive en noir comme Wesley Snipe. Comme dirait le roi, ça baigne Chirac. Là j'ai mon cachet, du coup il gratte. Et sur mon torse, mes diamants m'hydratent. Première classe dans la soute, j'ai les packs. Kilogramme, Kim, envoie les packs. Mon shooter c'est curie, jamais il rate. Quand on tire sur ta tête, c'est pire que des nattes. Go. On a l'adresse du party, mes souris cachent le body. Mais y'en a pas un seul qui parle, hey. Sous ma ceinture j'ai ta vie, sous ta teinture Tintari. Les glocks on les achète en grand. Vaut mieux se préparer à la guerre. Nos problèmes tu peux pas défaire. Comme un nœud, t'as laissé grossir un king.